Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le vrai Cyrano de Bergerac. Non seulement il a existé, mais ça a été peut-être une des plus... C'est peut-être la figure la plus audacieuse de la littérature française du 17e siècle. En tant que dramaturge, il a marqué son siècle. Pourquoi il n'a pas été connu, en fait? C'est simple, c'est qu'il a été complètement éclipsé par sa propre popularité via Rostand. Cyrano de Bergerac a bel et bien existé, mais il n'est pas celui qu'on pense. Si la plupart d'entre nous connaissons le Cyrano de Bergerac de l'auteur Edmond Rostand, Savinien de Cyrano de Bergerac, qui a inspiré Rostand pour la création de son personnage, est lui à peu près passé à l'oubli, malgré l'importance réelle qu'il a eue dans la littérature française du 17e siècle, telle que le rappelait d'ailleurs le comédien et metteur en scène Antoine Laprise à l'émission Indicatif présent en avril 2006. Vous avez un nez, très grand. Très. Ah. C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? La célèbre tirade du nez interprétée par Gérard Depardieu dans le film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Quand on pense à Cyrano de Bergerac, c'est très souvent à celui-là qu'on pense. Le Cyrano de Rostand, celui de la tirade du nez, celui que Depardieu incarne magistralement dans le film de Rapneau. Mais qu'en est-il du vrai Cyrano de Bergerac, cet auteur français du 17e siècle, un peu, beaucoup, passé à l'oubli avec le temps? Pour nous présenter Savinien de Cyrano de Bergerac, je reçois Pascal Bastien, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour, monsieur Beauchamp. En quelques mots déjà, puis on aura l'occasion de détailler un peu plus tard dans l'émission, mais en quelques mots, qui est-il le vrai Cyrano de Bergerac? Eh bien, pour donner quelques petits repères, Savinien de Cyrano est né à Paris en 1619. Il va passer son enfance, disons, de 1622 à 1636, au moment où son père est propriétaire des terres de Bergerac. Donc, il passera son enfance dans les campagnes de Bergerac. Et puis, il revient à Paris en 1936, où il devient soldat. Il va s'enrégimenter, donc, dans la compagnie des gardes. Soldat, donc, mais aussi dramaturge, romancier, libertin passionné de science, l'auteur du premier roman de science-fiction, un duelliste chevronné et, malheureusement, mort à 36 ans, dans des circonstances qu'on aura peut-être l'occasion, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Et qu'est-ce qui fait que ce personnage qui a été... Il est objectivement intéressant, ce personnage historique qui a vraiment existé, mais on l'a à peu près oublié. Bon, il y a eu cette pièce qui a pris tellement de place, mais comment expliquer qu'il soit passé à l'oubli? C'est toujours difficile à expliquer pourquoi un tel auteur tombe dans l'oubli et tel autre reste à l'avant-scène. Donc, d'une part, il n'est jamais resté totalement inconnu des érudits qui ont, dans les grands traités libertins du XVIIe siècle, toujours abordé plus ou moins brièvement Cyrano de Bergerac. Mais le problème, c'est qu'il est, dans son siècle, au théâtre, écrasé par Molière. Comme écrivain, il disparaît derrière Guy de Balzac. Et comme penseur critique, il est un peu coincé entre le doute de Descartes et le scepticisme de Spinoza. Ce qui fait que, devant des géants, on l'oublie un peu. Ce que ça veut dire pour autant que, dans cette situation d'entre-deux, c'est un auteur mineur, à mon avis, absolument pas. Bien au contraire. Il est au carrefour de tous ses talents, de tous ses génies, j'ai envie de vous dire. Et il est, en fait, le carrefour de l'homme de lettres, du philosophe, du libertin érudit et au seuil de l'âge classique du grand siècle de Louis XIV. Et on va le redécouvrir, quoi, vers le 19e siècle? Vers le 19e siècle, sous la monarchie de Juillet, en plein romantisme, et ça, on redécouvre toute une série d'auteurs qui avaient été plus ou moins oubliés pendant le 18e siècle. Parce que au 19e siècle, l'ancien régime, la monarchie, est au goût du jour. Donc, on est très gourmand de témoignages du passé. Et on va trouver, en 1830, une petite biographie par Charles Nodier dans un journal romantique des années 1830. Théophile Gautier va discuter dans ses grotesques de 1844 de Cyrano de Bergerac. Et c'est lui qui va inventer, si vous voulez, en quelque sorte, le personnage au grand nez. Et puis, le bibliophile Jacob, Paul Lacroix, va éditer pour la première fois dans le siècle, va éditer dans les années 1840-1850, donc l'édition des deux romans de Cyrano de Bergerac, l'édition des États et Empires de la Lune et du Soleil. Et c'est là, en quelque sorte, qu'on va un peu le redécouvrir. Mais pourtant, quand Edmond Rostand commence à écrire sa pièce en 1896, dans son entourage, on se demande pourquoi donc fait-il une pièce historique sur un personnage inconnu. Monsieur Coquelin ! Quoi encore ? Alors, votre pièce, comédie, tragédie ? Tragédie. Comédie. Le titre ? Hercule. Oh. Savinien. Cyrano. Un poète avec un grand nez. Cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire. La répétition commence demain matin. La pièce n'est pas écrite ? Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Votre verre va, Musa ! Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde. Que voulez-vous que j'y fasse ? De qui parlez-vous ? Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Alors, revenons-y au Cyrano de Rostand, celui qu'on connaît, et à Rostand lui-même. On vient d'entendre un extrait de la bande-annonce du film Edmond, réalisé par Alexis Michalik en 2018. Ce film qui raconte le contexte entourant l'écriture et la création de la célèbre pièce de Rostand, et lui-même, faut le dire, une espèce de fantaisie. Là encore, on n'est pas dans la vérité. Fantaisie autour de l'histoire réelle de la création de cette pièce. Dans les faits, Pascal Bastien, peut-être nous rappeler qui est Edmond Rostand et dans quel contexte, justement, il écrit cette pièce Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand est né à Marseille en 1868. Et puis, après quelques succès de jeunesse au théâtre, dans les années 1890, il écrit et il a quelques succès et il est jeune. Donc, il va écrire deux pièces historiques pour lesquelles donc, on le connaît surtout. Les deux en alexandrin, Cyrano de Bergerac, en 1897, il a 29 ans. Et puis, L'Aiglon, dans laquelle Sarah Bernard va jouer, en 1900. Mais donc sa pièce est préparée en 96-97, alors qu'à Paris, la scène théâtrale se divise plus ou moins entre deux grands répertoires. On a le vaudeville des pièces de Feydeau et puis on a le réalisme du théâtre de Tchekhov. Et donc, c'est en toute conscience que Rostand va chercher à écrire une pièce proprement romantique, un peu surannée même, avec un héros hors norme, un exemple de bravoure à la française, dans ce que certains chercheurs rappellent, dans une France qui a bien besoin de retrouver sa fierté après avoir donc perdu la guerre franco-prusse de 1870. C'est avec le film de Michalik que je pense rappelle les difficultés. C'est avec le soutien de son épouse Rosemonde Gérard qui financera la production de la pièce et la confiance de Constant Coquelin, qui est l'un des acteurs les plus influents de la comédie française, que s'écrira cette pièce qui connaît des hauts et des bas avant la première, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, on est finalement plus ou moins convaincu que ça sera un échec lamentable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série d'obstacles qui semblent présager un échec. D'une part, la pièce est de 5 actes, alors que la norme à l'époque est de 3 actes. Elle est donc très longue, il y a de très nombreux figurants. On a, je le disais tout à l'heure, un héros inconnu. La pièce est en vers, alors que la prose domine à l'époque. Et puis, la mise en scène est particulièrement compliquée. Donc, des défis techniques associés à un caractère qui paraît un peu suranné semblent désespérer la pièce. Or, le succès est non seulement immédiat, mais il est durable. Ouais. Et revenons au vrai Cyrano. Dans quelle mesure la pièce de Rostand, Cyrano de Bergerac, s'inspire ou pas de la vie du vrai Cyrano? Que connaît de fait Rostand de la vie de Cyrano? Edmond Rostand connaît très bien l'œuvre de Cyrano et les biographies de Cyrano, qui ont été rédigées plus ou moins partiellement à la fois au XVIIe siècle, à sa mort, par son ami Henri Lebray, et puis par, justement, au tout début du XIXe siècle, Charles Nodier et d'autres érudits du début du XIXe siècle. Donc, Rostand connaît très bien l'œuvre de Cyrano de Bergerac et, comme son aîné Alexandre Dumas, il est, c'est ce qui explique pourquoi il en fait un sujet de sa pièce, passionné par les règnes de Louis XIII et Louis XIV, Richelieu et Mazarin. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards, dont c'était les comme frémissants. Comme vous la lisez, sa lettre. dont c'étaient les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier. Pour toucher votre front, et je voudrais crier. Comme vous la lisez, cette lettre. Et je crie, adieu. Vous la lisez. Ma chère, ma chérie, mon trésor. Tu ne vois. Mon amour. Cyrano de Bergerac, la pièce de Rostand. On y revient avec cet extrait du téléthéâtre mettant en vedette Albert Miller et Louise Turcot, présentant l'émission Les Beaux Dimanches. Cyrano de Bergerac, ça reste, Pascal Bastien, aujourd'hui encore, l'une des pièces les plus connues, les plus appréciées du répertoire français. Cette pièce-là va être montée à maintes reprises, adaptée au cinéma. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette pièce-là est la grande pièce qu'elle est? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été si appréciée? En fait, paradoxalement, tous les défauts que j'ai exposés plus tôt, qui faisaient qu'on présageait un échec, ce sont en fait les conditions, semble-t-il, de son succès. C'est-à-dire qu'on est attiré par une pièce en alexandrin, tout l'aspect musical, très rythmé pendant cette très longue pièce de 5 actes. La mise en scène est sophistiquée, il y a un déploiement de très nombreux personnages, de très nombreux figurants. Le personnage est brave, impétueux, un héros en bonne et due forme, il y a de l'humour. On est dans, presque dans le vaudeville que j'évoquais tout à l'heure de Feydeau, mais aussi on est avec une vivacité, un trait d'esprit qui tranche autant que l'épée. Hein, c'est le cœur même de la force de Cyrano. Et puis, il y a des scènes d'action, de telle sorte que, au même titre que Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, eh bien, Cyrano de Bergerac se retrouve comme le modèle même de l'intrigue de KPTP. C'est la raison pour laquelle le cinéma va adapter ou mettre en scène Cyrano de Bergerac à de très nombreuses reprises, avec les deux grands classiques que l'on connaît. En 1950, donc José Ferrer dans une production hollywoodienne, et José Ferrer va remporter l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Cyrano de Bergerac. Et en 90, c'est Gérard Depardieu qui remporte le César pour son rôle. Revenons au vrai Cyrano. On a très rapidement dit de qui il s'agissait au début de l'émission. Revenons-y un petit peu plus longuement. Qui est-il? Parlez-nous peut-être d'abord, commençons par son enfance, ses origines. Où est né Cyrano, le vrai, et à quel milieu appartient-il? Bien, comme un certain nombre de personnages du XVIIe siècle, on a quelques détails épars, et puis nous pouvons reconstituer la biographie de Cyrano, mais par fragments. Donc, je le disais en ouverture de l'émission, donc il est né à Paris en 1619. Il va quitter Paris avec sa famille en 1622 pour le fief de Bergerac, et c'est là, à la campagne, qu'il va rencontrer Henri Lebray, qui sera son plus fidèle ami, donc jusqu'à la fin de ses jours. Et le personnage de Lebray se trouve donc dans la pièce et bien sûr dans le film de Rapneau. C'est donc à la campagne qu'il va recevoir sa première éducation, à la fois à travers la bibliothèque de son père, mais aussi auprès d'un prêtre qui va lui apprendre les premiers éléments de rhétorique, là encore, toujours en compagnie de Lebray. C'est dans cette bibliothèque donc, de son père, qui n'est pas un noble, c'est comme le siècle, si vous voulez, s'y prête. Ce sont des notables qui appartiennent, si vous voulez, à ce grand mouvement de mobilité sociale et qui, finalement, grâce à l'argent, réussissent à occuper des places dans la fonction publique de l'époque et qui ont suffisamment d'argent pour s'acheter, donc, par exemple, des terres comme le fief de Bergerac, que Abel Cyrano sera contraint de vendre en 1936, ce qui n'empêchera pas Savinien de Cyrano de s'arroger le nom de Bergerac, même s'il n'est plus du tout propriétaire de ces terres. Il revient donc à Paris en 1636, il a 17 ans, et c'est là où non seulement il étudie la rhétorique, la science, la philosophie, mais c'est aussi là, et malgré les leçons de Lebray qui cherche à l'en empêcher, c'est là où il va écumer toutes les tavernes, c'est là où il va défier le guet, rire des bourgeois, c'est là où il va finalement se donner cette espèce de réputation de cet individu libre en tout, qui ne respecte aucune forme d'autorité. Et dans son éducation, c'est justement ces penseurs critiques qui vont le passionner. Tous ceux qui ont été plus ou moins brûlés quelques décennies auparavant, Giordano Bruno, Vanini, Galilée qui a été condamné en 1633, ce sont pour lui des modèles à penser. Il est, et c'est peut-être là aussi, militaire, et c'est peut-être là où il se rapproche le plus. En tout cas, ça, c'est clairement le cas des deux hommes, du vrai Cyrano comme du personnage de Rostand. Il sera à Arras, les deux hommes vont être à Arras, il combat, c'est un militaire. Tout à fait. Donc, à son retour à Paris en 1936, je le disais, il est toujours avec son compagnon Lebray, et Cyrano et Lebray vont s'engager en 1639 dans le régiment des gardes françaises. C'est dans les quelques lignes que Lebray va rédiger à la mort de Cyrano, juste avant d'entrer dans les ordres, que Lebray va raconter un peu tous les grands détails de la vie de son ami Savinien de Cyrano et que Rostand va utiliser et complètement adapter. Et effectivement, donc, 1639, il s'engage dans ce régiment où, paraît-il, il y aurait eu beaucoup de Gascons. Hein, Cyrano de Bergerac n'est pas Gascon, il est parisien, mais c'est dans ce régiment qu'il va s'engager. Et donc, en 1640, l'année suivante, il va faire la guerre. On est en pleine guerre de 30 ans. Et le siège d'Arras, donc, qui se terminera par une victoire de la France contre les Pays-Bas espagnols, eh bien, c'est là où, dans le cadre de cette bataille, Rostand va encore trouver quelques personnages qu'il utilisera dans sa pièce, c'est-à-dire que le comte de Guiche et le baron Christophe de Neuvillette se battent à Arras, oui. Mais rien ne nous permet de savoir s'ils ont rencontré Cyrano. Oui. Savinien de Cyrano de Bergerac, c'est aussi peut-être d'abord et avant tout, puis on y revient, on l'a évoqué au tout début de l'émission, c'est pour ça qu'il n'aurait peut-être pas dû être oublié, un homme de lettres assez important pour son époque. Il va écrire deux romans et deux pièces de théâtre. Mais que diable allais-tu faire en cette galère ? Va dans mes armoires, prends le pourpoint découpé que quitta feu mon père l'année du grand hiver. Mais vous n'y êtes point. Il faut tout au moins 100 pistoles pour sauver votre fils. 100 pistoles ? Ah, mon fils, ne tiens-tu qu'à ma vie pour protéger la tienne, mais 100 pistoles ? Va-t'en lui dire de ma part qu'il se laisse pendre sans dire un mot. Seulement qu'il ne s'affiche point, car je lui en ferai bien repentir. Mademoiselle Genevotte n'était point trop sotte quand elle refusait de vous épouser parce que l'on prétendait que vous étiez capable de la laisser en Turquie s'il y était prise comme esclave. Je lui ferais bien mentir. S'en aller sans dessein dans une galère. Mais que faire de partout les diables dans cette galère ? Oh, galère ! Galère ! Extrait de la pièce « Le pédant joué » diffusée à l'antenne de France 3 en 1978. Savinien de Cyrano de Bergerac va écrire donc deux romans, on va y revenir dans un instant, Pascal Bastien, et deux pièces de théâtre, dont celle qu'on vient d'entendre, Cyrano, dramaturge. Mais d'abord, c'est pas un hasard si Edmond Rostand situe le premier acte de Cyrano de Bergerac dans la salle de l'hôtel de Bourgogne, en pleine pièce de théâtre. Hein, si vous vous souvenez bien, c'est là où Montfleury, le gras Montfleury, va lancer sa tirade et que Cyrano va le sortir à coup d'épée, hein, puisqu'il le menace de le couper en mortadelle d'Italie. Et puis dans toute la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano est un acteur, il se met en scène, quand il invente la balade pour se battre contre le vicomte de Valvert, ou lorsqu'il raconte au cadet de Gascogne le duel contre 100 personnes à la porte de Nesle. Donc, Rostand est très conscient et rappelle constamment le personnage Cyrano qui écrit. Cyrano qui écrit. Et d'ailleurs, là encore, et je m'arrête là-dessus, là encore, dans la pièce de Rostand, l'une des dernières scènes, on a le pâtissier qui raconte à Cyrano que des pièces ont été jouées, qu'on a applaudi la mort d'Agrippine. Alors, en effet, il a écrit deux pièces. Le pédant joué a été probablement écrit en 1645, mais n'a jamais été monté du vivant de Cyrano de Bergerac, mais la mort d'Agrippine, elle, sans doute écrite et jouée vers 1653. On a affaire à deux pièces qui ne se ressemblent pas du tout, qui, selon donc, les critiques, ont une qualité extraordinaire. Donc, la mort d'Agrippine est une tragédie. Et là où elle est, si vous voulez, particulièrement intéressante, c'est que non seulement donc, elle correspond à une espèce de modèle tragique avec l'excès des passions, les violences, mais que surtout, et c'est la raison pour laquelle elle sera interdite quelques représentations plus tard, c'est l'expression d'une pensée libertine et la revendication de l'athéisme. Oui. Et ça, à cet égard-là, c'est la démonstration effectivement d'une force de caractère et d'une audace hein, qui caractérise bien Cyrano de Bergerac. Oui. Vous disiez au tout début que l'une des raisons pour lesquelles on l'a peut-être un peu oublié, le vrai Cyrano, c'est qu'il a été éclipsé par ce géant qu'est Molière. En même temps, Molière va s'inspirer du théâtre de Cyrano. Dans le pédant joué, justement, bon, alors c'est, là, on a affaire à une comédie très inspirée de la comédie italienne. Il y a des extraits hein, qui sont, dit-on, plagiés par Molière, dont oui, la galère. La galère. Que diable allait-il faire dans cette galère? Et puis l'intrigue, hein, l'intrigue ne sera pas étrangère. Un vieillard s'oppose au mariage de deux jeunes gens, un valet vient les aider pour tromper le vieillard, et le couple sera donc victorieux contre la méchanceté du vieillard. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, au-delà de l'intrigue et au-delà de ces traits d'esprit qui seront récupérés par Molière, c'est qu'il y a toute une série d'innovations, des allusions sexuelles, du patois parlé sur scène et des dialogues absurdes qui font même penser à Ionesco. Ouais. Peut-être plus encore qu'au théâtre, par ailleurs, c'est avec le roman que Savinien de Cyrano de Bergerac va davantage marquer l'histoire de la littérature. De quelle manière, Pascal Bastien? Ben, on parle donc de ces deux romans comme étant les premiers romans de science-fiction, donc Les États et Empires de la Lune et Les États et Empires du Soleil. Ce sont des romans qui ont circulé sous forme manuscrite du vivant de Cyrano, qui les a probablement rédigés vers 1650, mais qui seront publiés à titre posthume par son ami Henri Lebray, donc dans les années 1660. À peu près. Romans de science-fiction, pourquoi? Les plus puristes diront que ce ne sont pas des romans de science-fiction parce que ça ne se passe pas dans le futur. Oui. Mais le déplacement se passe dans l'espace. Hein. C'est Cyrano, sous un acronyme, donc va voyager dans la Lune ou sur le Soleil et va en profiter pour faire grosso modo deux choses. C'est-à-dire que d'une part, il présente les connaissances scientifiques du siècle pour les pousser encore plus loin, c'est-à-dire comment peut-on profiter des connaissances scientifiques, de l'expérience scientifique, de la révolution scientifique qu'il traverse? Comment peut-on en profiter pour imaginer autre chose? Et d'autre part, un peu sur le modèle des utopies, ben il va essayer de proposer, par l'humour, par l'audace, une critique de son siècle. Alors, je ne peux pas m'empêcher donc, de prendre quelques exemples pour vous montrer comment il joue, si vous voulez, à la fois le clin d'œil scientifique et à la fois la critique sociale. Sur la Lune, Cyrano nous raconte qu'on préfère porter un pénis en bandoulière plutôt qu'une épée comme marque de noblesse, parce que l'épée est un signe de violence et de mort, alors que le pénis est un signe de vie et de reproduction. Grâce à des livres sonores, déjà, dit-il, eh bien, les jeunes possèdent davantage de connaissances que les vieux. La mort naturelle de vieillesse est une mort infamante et le suicide assisté est un gage de dignité. Les villes se déplacent et la monnaie est remplacée par des poèmes. Toute une série, ouais, donc, à la fois de jeux très, très audacieux, là encore, qui jouent sur l'espoir suscité par la science, mais aussi une critique très vive des autorités en place. Et puis, on termine avec le fait que Cyrano, c'est aussi, bien sûr, l'homme de son temps, puis même un peu précurseur, philosophe des Lumières avant l'heure, peut-être. Ben, j'aime bien penser effectivement que Cyrano constitue une espèce de modèle pour les philosophes du siècle suivant en tant que libre penseur, critique des autorités et des dogmes, confiance en la science, méfiance des certitudes et surtout utilisant l'humour comme arme. Pascal Bastien, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur la nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.